frère de la rue. Charismatique, on le nez sous. Le rap français, on s'en bat les couilles, nous. Fait cracher les douilles. C'est les frères de la rue, FDLR. Tous les mecs en prison. Les frères en cachot. Quand le système unique, dire ça. Quand on gère la rue, c'est trop yes, yes, yes, yes. C'est les frères de la rue. Quand on débarque, frères de la rue. Les frères de la rue. Charismatique. Quand on gère la rue, sale chien. Vieux chien. Repos, romper les rangs, trop de fierté dans le nid, tu bats d'un pif, une trompe d'éléphant, test survêt, marqué, basket au Pierre-Jean, reconnu des services traqués en Fnac et Virgin. 93 et l'équipement, pas fini de nous entendre m'apercevoir dans les clips, non. On rappe autant que ça dure, quoi, tu connais l'armature, car tu veux ma signature, charisma, bah. Va pas trop vite, ça devient dangereux. Y'a de l'argent, des armes, une chute libre. De l'amour pour le risque, l'amour qui convoite. La haine dure à être libre, va pas trop vite. Ou ça devient dangereux, j'ai la dalle, il faut un poil pour pas tomber sur la cavale. Ceux qui ont le kiff pour les armes, faut pleuvoir les drames. Donc j'manie ça le mic pour déclarer la guerre. 93 vient de ce Kylie FDLR. Quand on débarque sur scène, c'est trop dangereux. Quand le système unique, c'est trop dangereux. Quand on gère la. Rentre dans le jeu, quand je mange, tu sais ce qui est en jeu. Toujours vénère, toujours déterre. Tu le sais, c'est Little et MOH de guerre. Les frères de la rue, frères, frères de la rue. C'est la guerre dans nos rues, guerre, guerre dans nos rues. Y'a beaucoup de secousses pour tout le monde se pousse. C'est AK-93, tu l'as vu cousse. Nous on vous baisse, nous, nous on baisse tout. Eux, ils veulent qu'on se taise, mais on les baisse tous. Vas-y, vas-y, tous un coup. C'est qu'on les couche à coup. Dans la street c'est coup d'un coup. Si c'est cool ma couille. Demande à Kai c'est la qualité. Le rap j'suis venu pratiquer. Si t'aimes pas ta clique, ma frérot t'as qu'à la quitter. C'est du charisma. Demande à SOF cartoucherie. J'répète charismatique. Lyrique, lyrique à le boucherie. Quand on débarque sur scène c'est trop dangereux. Quand le système unique c'est trop bagueux. Quand on gère l'instru c'est trop yes. Rimeur brigadier, rimeur fâché. Nettoyeur de terrain fâche, disséminé. Là je te surprends par ma voix sur un beat fâché. Interpellé par ma fibre vocale à tête troublée. J'ai le flow à seul père, encore moi ton équipe. Quand je débarque je t'éterre aux côtés de mon équipe. C'est Kylie, pourtant je sais la qualité. Excuse-y, quand on rap t'étais perturbé. Dangereux, comme ce rabbin qui a peur de mourir pour les crimes qu'il a commis. Dangereux, comme à la mort de sa dame. Le monde s'entretue pour une poignée d'écus. L'amour est mort, mais qu'est-ce que tu veux, frérot? On dit que les bonhommes sont ceux qui font des bracos. T'es pas amigo, les bonhommes sont ceux qui disent je t'aime à leur mère. Faut qu'on serre les coudes, grave comme l'aston. Envoie des talons pour nos frères au ballon. Dangereux, quand on débarque sur scène, c'est trop dangereux. Quand le système unique, c'est trop bagueux. Quand on gère l'instru, c'est trop yes. Dangereux, charismatique, les Abdel, Malik, Soulé, Larif, tu risques de perdre. J'analyse, j'opère, pépère, pas de mal, je brutalise, l'usure comme repère, danger, on arrive, mettre la parode. Au micro, j'ai le paro, t'aimes pas, paroade. Le rap français, rien à foutre, on n'est pas à fond dedans. Ramène un micro, une instru directement, on fonce dans le tas. Quand ça tire dans nos rues, 93, 6, 7, zoom la zone, c'est cru, dangereux. On est sous la vieille école, on déconne, on emploie les vieilles méthodes. Les frères de la rue, on gère, normal, on tient que son c'est dangereux. Au quartier ça fait trop d'haineux, maintenant c'est nous contre vous, hey. Choisis bien ton camp, c'est la rue qui l'a dit, FDLR, c'est trop, trop, trop, trop.